Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouveau numéro du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui un guest très spécial, Monsieur Selig. Bonjour Sofiane, bonjour tout le monde. Bonjour Selig et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Bon, donc tu avais une ou plusieurs anecdotes et j'imagine plusieurs à nous raconter. Oui, bien sûr, oui, avec toutes ces années de carrière. Mais il y en a une qui m'a fait rire, qui nous fait rire encore. Parce que les humoristes, il faut savoir qu'on fait aussi beaucoup de soirées privées. Oui. Pour manger quoi. Pour les entreprises. Pour le pain, hein, ça rapporte du beurre. Hein. Les corpos quoi. Et c'est ça. Et alors, une fois, je fais une énorme entreprise, il y a très longtemps en plus, et il y avait peut-être 1000 personnes dans la salle et le PDG monte sur scène pour faire son discours et à la fin le mec, alors que personne n'était au courant, annonce mais quasiment peut-être 200 ou 300 licenciements dans la boîte. Et là, donc là dans la salle, je te laisse imaginer le bordel. Tout le monde se lève de table, ça braille dans tous les sens. Et là, le mec, il sent qu'il va se faire fusiller. Il dit, maintenant, je vous laisse en compagnie de Selig. Et là, moi, j'arrive, je dis, bonsoir. Et les mecs, ils sont partout. Ils se battent entre eux, genre, tu vas être viré, pas moi, toi et tout. Selig. Et là, j'ai pas fait de spectacle, quoi. Parce que les mecs, même avec mon micro, personne ne m'entendait. Donc, j'ai été très... J'ai dit merci, bonsoir! Et puis je suis parti, quoi, voilà. C'était très drôle, ça. Ah, il a vraiment abusé quand même. Mais le pauvre, je pense qu'il était en panique. Après, je ne l'ai pas revu, lui. Il a dû se sauver dans une bagnole. Oh, donc voilà, ça a resté, parce que c'est resté, ça nous fait toujours rire, cette histoire. Et maintenant, c'est Ligue! J'ai voilà. Avoir annoncé la banqueroute de 300 familles, quoi, tu vois. Exactement. Incroyable. Oh là là. Merci beaucoup. On peut te retrouver avec ton spectacle. Tu tournes un peu partout en France, partout dans toutes les communes, petites communes, bourgades, villages, villes, grandes villes. Sur mon site, selig.com. Ouais. Selig.com. Ouais. Ok, avec grand plaisir. Merci, écoute, merci à toi. Merci à toi. Et merci à ce PDG qui nous a offert un bon moment. Merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.